Exercice 10, page 29. Virelangue. Qu'a bu l'anolac? L'anolac a bu l'eau. Qu'a bu l'anolac? L'anolac a bu l'eau. Qu'a bu l'anolac? L'anolac a bu l'eau.